L'administrateur général de la banque par action de Moscou, Tinpu Bank, de la compagnie ouverte par action de Russie, et le président directeur général du groupe de la compagnie Lizer Consult ont offert les présents au maréchal Kim Jong-un. L'administrateur général et le président directeur général les ont transmis à l'ambassadeur coréen et à un officiel de la représentation coréenne en Russie.